une histoire particulière. Il est 13h30, c'est l'heure de la suite de votre documentaire du week-end. Hier, c'était le premier épisode et Claire Pouliborgeau et Angélique Thibault vous ont raconté l'histoire très touchante de Raymond Gurem. Né dans une caravane, dans une famille manouche, c'est toujours dans sa caravane, à plus de 90 ans, qu'il vit et se souvient de son arrestation par la police française en 1940. Il fut enfermé dans les camps de Darnétal, près de Rouen, puis de Lina-Montléry, dans l'Essonne. Là, il souffrira de la faim, de la soif et du froid, sous l'indifférence générale. Aujourd'hui, c'est la suite du combat des gens du voyage contre toute forme de discrimination. La loi il y a 53 années qui sont passées, j'oublie pas. Dire la date exacte, je ne peux pas, mais un jour il y avait des tziganes, le lendemain il n'y en avait plus. Vous avez compris? Bah évidemment. De 42 en 44, c'était que la souffrance, les poules, la misère, la famine. Le problème, c'est qu'elle a oublié les moments gays, pas les moments de souffrance. Si le bon Dieu ne laissait pas l'oubli, soit qu'il crevait, soit qu'il devenait fou. Mais vous voyez, le bon Dieu, il a laissé ce chose-là, l'oubli, la souffrance. Bonjour à tous. Résistance tzigane. Bienvenue à cette 5e édition de la fête de l'insurrection gitane. Deuxième épisode. Anina Chouchou, un destin courageux. Comme chaque année, ici à Saint-Denis, nous célébrons la révolte du camp. Une émission de Claire Pouliborgeau et Angélique Thibault. Aujourd'hui, on commémore le soulèvement des familles tziganes d'Auschwitz-Birkenau du 16 mai 1944. Les familles tziganes d'Auschwitz-Birkenau, dans les camps de concentration, avaient participé à un réseau de résistance interne, avaient appris le plan des tziganes de les assassiner. Et on décidait de se révolter. C'est cet acte de résistance extraordinaire qu'on veut célébrer aujourd'hui. Ce sont des héros, mais on veut aussi célébrer la résistance aujourd'hui parce que aujourd'hui aussi, on a besoin de résister face à la violence quotidienne. Non, il est petit et maigre. On dirait un fragile, mais non, il est le contraire de ça. C'est ça le sens. Et Raymond, évidemment, c'est un résistant, c'est un héros pour nous. Chaque fois, il est en costume, tout en costume. Et puis nous, on veut continuer dans ses pas. Oui, c'est lui. On y va le voir. C'est lui. Il est arrivé depuis longtemps. Contre la violence politique. Il rentre les manouches du ciel. On ne peut pas se plaindre quand on voit lui. C'est pas possible quoi. Alors comment ça va? Ça a été le voyage? Ouais. Pour moi c'est extraordinaire. Ah d'accord. Mais vous allez le voir danser. Vous allez voir l'énergie là. Alors Raymond, non seulement que c'est un résistant, mais combien de petits-fils et de petits tu as? Je compte plus. Il y en a trop. Ah, plus de 300. Ouais, presque 300, oui. Petit, arrière. Ouais. Ben moi, j'avais déjà 15 enfants. 8 garçons, 7 filles. Ils ont voulu nous exterminer pendant la guerre. On s'est vengés. Ça fait qu'ils ne nous ont pas eus. Aujourd'hui encore, plus de 70 ans après, les Roms, les Manouches, les Sintés, les voyageurs rencontrent encore la violence politique et s'organisent pour se défendre. Et si nous faisons cet événement chaque année à Saint-Denis, précisément ici, devant la basilique, c'est parce que c'est ici, il y a 600 ans, que les Roms sont arrivés pour la première fois en France. Je voudrais remercier aussi particulièrement M. Raymond Gurem. Merci. L'histoire d'Anina Chouchou, elle rejoint l'histoire de Raymond Gurem parce que c'est aussi une histoire de résistance et de Pierre Chopineau. Combat politique de personnes qui appartiennent à des groupes marginalisés, discriminés. Ces deux histoires, pour moi, de puissance, de destin courageux et qui servent d'inspiration et de modèle pour d'autres qui n'ont pas encore eu le courage ou l'opportunité de faire cet acte, c'est-à-dire que ce soit Raymond ou Anina, quand ils parlent à d'autres jeunes qui ont vécu une grande injustice, une situation de grande précarité, et ben, ils peuvent s'identifier à cette histoire. Et c'est-à-dire que c'est pas la même chose si moi qui ai jamais vécu ces situations-là, je parle à des jeunes qui vivent en bidonville aujourd'hui en France, en essayant de les inviter à s'encourager, à s'engager politiquement. Ça n'a pas du tout le même sens que si c'est Anina qui le fait. Je vais vous dire par où commencer. Ma grande sœur, c'est un peu un exemple pour notre famille, pour toute notre société en fait. Que ce soit en Roumanie, en France, on l'admire, c'est un peu notre star. Marie-Amélie Tchouchou. C'est un peu une pionnière, on va dire ça comme ça. Et elle est connue pour son parcours scolaire et pour défendre le droit des Roms en général. Et vous, vous êtes née en France ? Moi, je suis née en France, oui, je suis la petite dernière. Et du coup, pour moi, c'était beaucoup plus facile. Mais niveau scolaire, ça va, mais c'est toujours niveau amis, copains, que c'est toujours plus compliqué pour nous. On n'avait pas vraiment beaucoup d'amis quand on était petite, parce que bah, les enfants, c'est compliqué pour eux de comprendre. Parce que Rome, c'est dur à définir. C'est quoi Rome ? Ça va pas de pays, Rome. Alors, on a déjà une langue, on a des traditions, on a une culture. Et notre particularité, c'est qu'on est un peu partout. Parce que des Roms, on peut en trouver dans tous les pays du monde. Et je trouve que c'est ça qui est sympa. C'est un peu notre truc à nous, quoi. Donc votre langue est différente du roumain ? Oui, oui, bien sûr, oui. Mais comment dire ? Chaque peuple rom intègre des mots de la langue où il vit, quoi, du pays où il vit. Du coup, ça diffère un peu, mais la base est la même. On peut se comprendre. Un rom de Roumanie peut dialoguer avec un rom de Bulgarie ou du Brésil. Ou... Et quelle est la différence entre rom, tzigane, manouche ? Moi, j'ai l'impression que rom, on dit plus souvent pour les pays de l'Est, comme la Roumanie, la Bulgarie, tout ça. En France ou en Espagne, on dit plutôt gitan. En Italie, on dit plutôt sinti. Et vous, comment vous définiriez ? Par rom ? Oui. On parle romanesque, on est des roms. C'est le mot que nous, on utilise. Et c'est un mot qui a une signification, rom ? En langue romanie, ça veut dire un homme. Ano świecim logar baro, odoj beshel brodadoro. Beshel beshel taigodidel, pevo jeske parokerel. Chachol chachol cherhenyori. Mrede vleski momeliori. Ay tu kalo chiri kloro. Kalo jalut no ay koro. Oui. Je vais te montrer, en plus ils ont des très belles robes les avocats. Je maintenant c'est vous êtes. Pas que pour ça, mais. Quelle est cette robe d'avocat ? Cette robe, ça c'est quelle ? C'est Yann Chana. C'est important pour eux aussi, pour apprendre l'école. C'est... Bah oui. Et comme ça, si vous êtes bien à l'école, vous pourrez faire ce que vous. Voilà, pour travailler via l'école. Ouais. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, c'est ça, ma chérie. Pour faire moi et ou avocat ou boulanger, si vous voulez faire boulanger. C'est ça que vous avez envie. Hein. Ouais. J'aime bien faire le pain, les gâteaux. Ouais. Tu fais quoi comme gâteau ? Je fais du tiramisu. J'adore le tiramisu. Tu connais ? Non. C'est un gâteau avec de la crème. Avec une robe. Nina, qu'est-ce qu'elle vous a raconté alors tout à l'heure? Que c'est bien d'aller à l'école parce que pour quand on va être grande, c'est bien pour qu'on choisisse notre métier et comme ça, on peut. Si on fait toute l'école, bah, elle a fait toute l'école et donc elle a pu choisir son métier. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier? Ah, moi, pâtissière. Je sais pas encore. Et où habitez-vous? On habite dans le 11e arrondissement, Hôtel Saint-Ambroise. C'est ça. Et avant d'être dans cet hôtel, on était à Porte-la-Chapelle, sous le pont. Dans des bidonvilles. Oui, dans les cabanes, tout ça. À ce moment-là, on ne savait pas parler français. Parce qu'en fait, on était dans un... Dans une classe spéciale pour apprendre le français. Oui. Et donc on a appris, et on avait appris à écrire, à lire. Et puis voilà, après on a continué avec cette classe jusqu'en CE2. Après on avait arrêté parce que le professeur il avait dit qu'on se débrouillait bien. En français. Oui, maintenant, CE2. Parce que votre famille venait d'où? Ben, on vient de Roumanie. La Roumanie. Merci, t'arrives. Je m'appelle Esperanza. Moi, je m'appelle Narcissa. Bonjour. C'est pour Anina? Oui. Ouais, installez-vous, je vous en prie, elle arrive. Bonjour Anina. Ça va? Ça va. Et vous? Bonjour. Oui. On va descendre dans la salle de réunion. D'accord. Donc, je vais faire ça. Mais on est plusieurs cabinets. Il y a plusieurs cabinets. Oui, voilà, plusieurs cabinets totalement indépendants qui travaillent dans des domaines différents d'ailleurs. Donc, Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Alors, évidemment, si j'ai choisi d'étudier le droit et de devenir avocate aujourd'hui, c'est éminemment lié à mon parcours et aux injustices que nous avons vécues avec ma famille, mais aussi aux injustices que continuent à vivre aujourd'hui des milliers de familles. Moi, je considère que c'est une chance énorme d'être à la fois française, roumaine et romnie, et je suis vraiment très fière de cette identité multiple. Mais malheureusement, être rome, c'est encore une faute, c'est être coupable de quelque chose. C'est automatiquement être considéré comme le criminel né, dont l'histoire, c'est toujours comme ça que nous avons été vus, c'était toujours le marginal, le délinquant par nature. Être tzigane aujourd'hui, et le mot tzigane par exemple en Roumanie, c'est un mot extrêmement péjoratif, c'est un mot qui est devenu synonyme d'esclave. Donc oui, malheureusement, être tzigane, c'est aussi rome ou gitan ou voyageur, ou Sinto ou Calais, c'est le plus souvent être rejeté dans des bidonvilles, dans des squats, dans des hôtels sociaux ou dans des aires d'accueil invivables. C'est pas avoir accès au marché du travail, c'est pas avoir accès à l'école. Donc quand on est rome, je pense que pour beaucoup, c'est être né au mauvais endroit, au mauvais moment. On a toujours été mal vus, nous, les gens de voyage. Ben si, ben si. Bon, on est des voleurs de poules. Nous, on n'a jamais volé une poule. On est des voleurs d'enfants, j'en ai eu 15, je n'ai pas volé les gosses du voisin. Maintenant, tu dis qu'on le dit comme ça, c'est les... Je sais pas. Quoi, pourquoi tu racontes ça? Les trucs n'ont jamais existé, quoi. Bon, ben si on vole une poule, c'est qu'il y a la fin. Hein? Bon, ils en ont des centaines de poules. Ça leur fait pas grand-chose. Ouais. Les gens sont totalement indifférents quand ils passent dans la rue et voient vois des hommes, des femmes, des enfants mendier et pense que c'est plus ou moins un choix, une culture. Mais ce que j'aimerais dire, moi, c'est qu'en fait, je ne suis pas née mendiante. En fait, c'est la violence, c'est l'exclusion politique, sociale, qui m'a fait le devenir. Et en fait, ça pourrait être la même chose pour vous tous, pour n'importe qui. Et ça, j'aimerais vraiment que ça soit compris. Parce que moi, quand j'ai vu ma mère être obligée de se rabaisser comme ça et avoir toujours la tête baissée et faire d'énormes sacrifices pour nous protéger, pour nous offrir le meilleur, c'est extrêmement blessant. Et moi, j'ai voulu redonner la fierté, vous voyez, la fierté à ma mère qui se cachait, par exemple, en venant nous chercher à l'école parce qu'elle avait peur de nous faire honte. Parce qu'elle croyait que les enfants et les professeurs la reconnaîtraient tout de suite comme une Romney. Donc elle ne voulait pas nous faire honte, elle se cachait. Pour moi, c'était extrêmement blessant. Donc quand j'ai voulu écrire, j'ai voulu m'engager, c'était pour redonner la fierté à ma mère, à mes parents, la fierté aussi à tous ceux qui pourraient se reconnaître dans leur expérience, quoi. Et vous êtes née en Roumanie. Parlez-nous un peu de cette enfance en Roumanie. J'aime dire que c'est une période d'espoir parce que je suis née en janvier 90 et c'est juste après la fin du communisme. Donc pour beaucoup, ça a représenté voilà, un printemps, une ère d'espoir. On imaginait que voilà, à la fin du communisme, tout irait bien pour tout le monde, la liberté, le bonheur. Sauf qu'en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Malheureusement, après la révolution, il y a eu une crise économique très dure en Roumanie, qui a affecté les populations les plus marginales, parmi lesquelles les Roms, évidemment, et mes parents, qui ont perdu leur travail à ce moment-là, dans cette période. Mon père qui travaillait en tant que comptable dans un magasin de vente de pièces d'automobile et ma maman qui travaillait en tant qu'infirmière à l'hôpital public de Craiova, qui ont, du jour au lendemain, perdu leur travail parce que on a appris qu'ils étaient Roms et ça est devenu, la vie est devenue extrêmement difficile pour nous à partir de ce moment-là. Donc, comme il n'était plus possible de vivre dignement dans notre pays, mon père a choisi, comme le faisaient beaucoup de familles à l'époque, de partir, de quitter la Roumanie, surtout qu'il y avait l'ouverture des frontières aussi. Et donc il a décidé de partir vers la France, dans le pays des droits de l'homme, dans le pays de la Révolution française, là où il pensait qu'on serait heureux, respecté, et qu'on aurait accès à nos droits. Et malheureusement, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. En tout cas, ça a été extrêmement difficile. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour d'école en Roumanie ? Oui, je me souviens très bien de ce jour-là. C'était à l'école maternelle. Et c'était mes parents, ils avaient acheté toutes les fournitures scolaires. Ma mère et mon père prenaient très à cœur que nous soyons intégrés, très bien intégrés dans cette école. Donc ils nous habillaient très bien, et ils nous donnaient des goûters. Il faisait très attention à nous apprendre à parler le roumain correctement, à être poli, à avoir des bonnes manières, parce qu'il craignait qu'on soit rejeté, qu'on soit mis à l'écart. Et malgré tout le soin qu'il mettait, on était quand même mis à l'écart. Moi, je me souviens que dès la maternelle, j'étais mise à l'écart parce que j'étais roumaine. C'est extrêmement difficile à supporter de se voir isolée, de se voir insultée, de se voir moquée par ses camarades. Aussi parfois, aussi, quand on vient d'un bidonville ou d'un squat ou d'un hôtel social, on n'a pas les bons habits, on n'a pas les belles chaussures, on n'a pas ce qu'il faut et c'est extrêmement blessant pour un enfant. Mais j'ai décidé de ne pas cacher que j'étais Romney et en ayant cette intime conviction de dire oui, je suis Romney, mais vous verrez, je suis la meilleure de la classe et... Et finalement, oui, c'est ce qui s'est passé. J'ai toujours voulu donner le meilleur parce qu'on se sent un peu obligé d'être toujours meilleur, de prouver plus que les autres, qu'on mérite notre place et que et qu'on veut aussi bien qu'eux. Et c'est finalement terrible, mais ça donne aussi de beaux résultats. Parti avec votre famille de Roumanie, direction la France. Comment s'est passé ce voyage et où êtes-vous arrivé? Alors que nous sommes partis avec un rêve. Le voyage a été extrêmement difficile. On est parti en voiture. On a fait plusieurs tentatives parce que les premières ont échoué. Et puis finalement, on est parti avec un camion et des passeurs. Parce que obtenir un visa à l'époque, c'est extrêmement difficile, d'autant plus pour une famille rome qui n'avait pas de revenus. Le voyage a été très long et était au péril de notre vie. On a failli mourir à plusieurs reprises durant ce voyage, parce qu'on a traversé des champs de mines, on a traversé des pays qui sortaient de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Et bon, finalement, on est arrivé en Italie. Dans un énorme bidonville, dont l'un des plus grands bidonvilles d'Europe d'ailleurs, à Casilino. Et c'était un endroit terrible. Donc c'est un bidonville qui ressemble à tous les bidonvilles qu'on voit aujourd'hui dans la presse, la télévision en France, sauf qu'il était plus grand, donc encore plus misérable. Après, c'était un bidonville où il n'y avait pas que des Roms, il y avait des Serbes, il y avait... des migrants d'un peu partout qui partageaient leur exclusion et leur pauvreté, quoi, ensemble. C'est pas la seule jeune femme ou jeune homme qui a vécu dans ces récents bidonvilles des grandes villes européennes qui s'en est sortie. Et par ailleurs, oui, la règle est encore aujourd'hui plutôt de destin d'enfants détruits. Il y a vraiment une politique publique depuis 25 ans... qui a pour conséquence d'avoir détruit des milliers de vies d'enfants. Des milliers de vies d'enfants qui n'ont pas pu devenir des adultes comme peuvent le devenir des enfants qui ne vivent pas dans ces conditions-là en France. Là-bas, si j'y suis, France Inter, 1997. Les chemins sont pleins de pierres, il n'y a pas d'asphalte pour les Roms. Comment tu dis quand tu vas à Paris? Tu dis bonjour madame. Bonjour madame. Très bien. Donnez-moi quelque chose s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose pour manger les prés. On va recommencer parce que ta phrase, elle est bien, mais la fin c'est pas bien. Donnez-moi quelque chose pour manger. Je n'ai pas du pain à la maison et c'est pour ça que je viens travailler. C'est ici que je mange. C'est le repas de l'aéroport des ambassades et c'est là que nous mangeons. C'est vraiment un paysage d'enfer là où on se trouve. C'est la décharge d'ordures de Bucarest. Nous avons faim, on n'a pas d'eau, on n'a pas à manger. On parle de racisme d'État ou de racisme dans l'État pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que ces politiques d'exclusion, on considère que les gens qui habitent dans ces bidonvilles ne doivent pas accéder aux droits au même titre que les autres citoyens sur le territoire français, est motivée par l'idée que, étant Rome, c'est-à-dire tzigane, c'est-à-dire nomade, qui est l'ancien nom de la catégorie sous quoi on la range, et bien pour cette raison-là, leur destin n'est pas celui-là, ce n'est pas celui de l'accès au droit, parce qu'ils seraient culturellement voués à avoir ce mode d'habitat-là qu'est le bidonville. Donc on va expliquer l'exclusion dans laquelle ils sont par leur culture. Et ça concerne vraiment les Roms migrants. Et ça, c'est un mécanisme du racisme qui est donc la penchée actuelle au niveau de l'État, des hauts fonctionnaires, des ministères, pas nécessairement des gens individuellement, mais de la penchée administrative en tant que penchée, disons, bureaucratique. Quoi. Mais, donc oui, on n'a absolument aucune peur et aucune inquiétude à parler de racisme d'État sur cette question. On est arrivé en France finalement, on a vécu dans des squats, puis dans un foyer de travailleurs migrants, on a été expulsés, on a eu une OQTF, donc une ordonnance de quitter le territoire français. Voilà, on a été mutés à plusieurs endroits. Et quand on a reçu cette obligation de quitter le territoire français, on a vécu dans un camion, le temps de pouvoir se préparer au voyage, quoi, de partir. Et c'est là qu'on a fait une rencontre qui a changé notre vie. Donc cette maîtresse d'école dont je parle dans mon livre, que j'appelle Madame Jacqueline, qui a vu dans notre situation une injustice, et c'est ça qui a fait aussi que c'est une relation particulière entre nous qui se continue aujourd'hui. C'était pas seulement de la pitié, parce que la pitié c'est extrêmement violent, c'est extrêmement difficile à recevoir, et ça ne peut pas changer la vie des gens. Au contraire, la pitié, ça maintient l'autre dans la dépendance, dans l'infériorité. Voilà, avoir accès à un logement, avoir accès à l'école, avoir accès au travail par la suite pour mes parents, mais ça a été long, ça a été difficile. Il y a en fait plein d'obstacles, et c'est ça qu'on mentionne pas aujourd'hui. On parle beaucoup d'intégration, on dit de toute façon, les gens qui sont dans la rue ou ces gens qui sont dans la misère, ils ne veulent pas s'intégrer. Non, en fait, le problème n'est pas réellement là. En réalité, c'est un problème d'exclusion. C'est qu'on met beaucoup d'obstacles pour que ces personnes puissent accéder à leurs droits et s'en sortir par eux-mêmes. Mais nous, c'est la liberté. Hein? Bon, on est brûlés, bon, il faut qu'on roule pour manger. La route, c'est notre gagne-pain. Et les caravanes, c'est nos maisons. D'abord, les aires d'accueil, vous pouvez vous mettre dessus. Alors, non, c'est complet. Arrivez à l'autre, hein, c'est complet. Alors, vous allez où? Ben, je sais pas. On vend pas grand-chose. Merci à Raymond Gurem, Anina Chouchou, Pierre Chopineau, François Lacroix, Mirabella Mille, Marie-Amélie Chouchou, Laura Yenich. Prise de son, Mathieu Perrault, Manon Houssin, Bernard Laniel. Mixage, Éric Boisset. Archivina, Marie Chauveau. Là-bas si j'y suis, France Inter, 1993-1997. Surpris par la nuit, France Culture, 2002. Coordination, Christine Bernard. Résistance Tzigane, une émission de Claire Pouli-Borgeau et Angélique Thibault. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler de Continental, Air France, Goodyear, mais c'est une autre histoire.